artiste. Séraphine Akizimana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, à ce journal, édition de la mi-journée de ce 2 juillet 2022. Voici d'abord le sommaire. Le chef de l'État burundais sollicite l'appui des Nations Unies dans le développement du pays et dans la réconciliation nationale. Le président Evariste Ndayishimiye a tiré cette sonnette d'alarme hier lors de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. En ce début de la saison sèche, les responsables du programme Ewe Burundi Rambaye, qui est en train de faire le reboisement, appellent les Burundais à la cessation des feux de brousse. Vous l'entendrez. Le gouverneur de la province Gitega met en garde ceux qui exploitent les mineurs. C'est au moment où ces enfants sont employés dans la fabrication des briques et dans le commerce. Le gouverneur Venant Manirambona l'a dit lors de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Le président de la République a demandé à l'Organisation des Nations Unies de soutenir le Burundi dans le processus de développer le pays et dans la réconciliation des Burundais. Il a dit ce vendredi lors des cérémonies de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Evariste Ndayishimiye a fait savoir que le Burundi n'a pas besoin des bienfaiteurs, mais plutôt les partenaires au développement. Les enfants de moins de 18 ans qui sont employés dans la fabrication des briques indiquent que ce travail est trop fatigant, mais ils sont obligés de le faire, ajoute-t-il. C'est au moment où le gouverneur de la province Gitega a mis en garde ce vendredi lors de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi, ce qu'exploitaient les mineurs, les détails avec Jirani Vikit. Les enfants que nous avons rencontrés dans un site de fabrication de briques cuites situé dans le marais de Nyambeho qui sépare la colline Rukoba de la commune Gitega et la colline Mwendo de la commune Giheta partout c'est en province Gitega font savoir que certains parmi eux fabriquent des briques tandis que d'autres les transportent du lieu de séchage au four de cuisson. Ils ajoutent qu'ils sont fatigués beaucoup. Ils indiquent également qu'ils commencent le travail à 8h du matin. À midi, ils rentrent à la maison pour manger et retournent au lieu de travail pour ensuite rentrer à la maison le soir est épuisé. À propos du travail des enfants, le gouverneur de la province Gitega, Venant Manirambona, a dans son discours de ce vendredi lors des cérémonies du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi, mis en garde toutes les personnes qui utilisent des enfants dans différents travaux. Il ordonne plutôt que de tels enfants aillent à l'école pour préparer leur avenir. Toutefois, ces enfants qui fabriquent et transportent des briques dont l'âge varie de 8 à 15 ans expliquent que c'est la pauvreté qui les pousse à exercer ses activités. Ils affirment qu'un enfant peut fabriquer 200 à 300 briques par jour à raison de 3 à 4 francs la brique. Aussi, un enfant peut transporter entre 200 et 300 briques par jour à raison de 1 franc et demi par brique. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Nibigira pour tous ces détails. 6 millions de dollars américains est le budget estimatif nécessaire pour la stratégie de modernisation et d'opérationnalisation du Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité BBN pendant 3 ans. L'objectif global est de contribuer au développement socio-économique du Burundi par la compétitivité des produits locaux. Cela a été analysé au Conseil des ministres tenu mercredi de la semaine en cours. Le Conseil a recommandé le travail en synergie avec d'autres entités. Suivez à ce propos Prosper Nagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Les besoins dans l'immédiat en ressources humaines, en matériel et équipement ont été inventoriés. La vision de cette stratégie est à l'horizon 2027. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité est doté des services certifiés et des laboratoires accrédités afin d'assurer la crédibilité et la compétitivité des produits certifiés sur les marchés national, régional et international et permettre la protection des consommateurs. L'objectif global est de contribuer au développement socio-économique du Burundi par l'augmentation de la compétitivité des produits locaux et la protection des consommateurs via le renforcement des services du BBN. Le plan d'action stratégique élaborée pour la modernisation et l'opérationnalisation du bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité sera exécutée sur 3 ans avec un budget estimatif de 6 millions de dollars américains. Après échange et débat, la stratégie a été adoptée avec comme recommandation de travailler en synergie avec les autres entités concernées par la certification et au besoin, mettre en place un seul laboratoire national multifonctionnel, mettre en place des normes standards au niveau sanitaire, phytosanitaire, végétal et animal, et s'assurer de leur mise en application. Doter le bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité d'un personnel en effectif suffisant et compétent, ainsi que du matériel nécessaire requis. Procéder à une budgétisation par exercice budgétaire et exprimer le budget en francs burundais. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page environnement au présent, le changement climatique touche essentiellement les femmes et les enfants, déplore le coordinateur national de l'association Pathfinder qui milite plutôt pour les droits des enfants. C'était ce mercredi lors d'un atelier à l'endroit des femmes leaders sur le changement climatique tenu au site Sobel de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Des femmes locataires du site affirment être capables de subvenir à leurs besoins grâce aux diverses formations reçues. Docteur Irénée Ndabaguié révèle soutenir les femmes en association, c'est leur priorité. Les détails avec Vestine Votouille. Lors de cet atelier à l'endroit des femmes leaders sur le changement climatique, organisé par l'association Pathfinder qui œuvre dans la promotion des droits de la femme, Claudine Ndouimane habite le site des victimes des inondations situé à Maramja Sobel en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura et les dirige une association de Tabarani. Elle affirme que grâce à ses différentes sensibilisations sur le changement climatique, elle est parvenue à s'y adapter en trouvant de quoi nourrir la famille. En tant que représentante de l'association de Tabarani, nous cotisons une petite somme chaque semaine. La somme collectée est accordée à l'une de nos membres pour aller acheter des amarantes, par exemple, qu'elle va ensuite vendre en détaillant. Comme ça, elle parvient à nourrir ses enfants puisque nous sommes des mères. Chacune a sa famille à prendre en charge. Le coordinateur national de Pathfinder, Dr Irénée Ndabaguié, affirme appuyer les femmes victimes de changement climatique et surtout celles regroupées en association en leur donnant des formations et experts selon leurs priorités. Après la compréhension, on définit les actions et chaque association va définir les actions en fonction de ce qu'il fait. Nous voudrions que chacun travaille dans son domaine. Ceux qui sont dans l'élevage comprennent ce qu'ils feront dans l'élevage. Ceux qui sont dans l'agriculture, ils comprennent ce qu'ils pourront faire dans l'agriculture. Mais aussi, ceux qui ne sont nulle part pourront comprendre ce qu'ils peuvent faire ensemble et peut-être créer de nouveaux groupes pour le changement climatique. Docteur Ndabaguié déplore que les femmes et les enfants soient les plus touchés par le changement climatique. Et il révèle que le projet relatif va aider les femmes des provinces Bujumbura, Bubanza et Cibitoke suite à leur susceptibilité au changement climatique. Merci à Vestine Boutoui pour tous ces détails. La population de la commune Marangara en province Ngozi est appelée à lutter contre le feu de brousse. Leur commune ayant été citée parmi les 3 communes du pays dans lesquelles ont été signalés les feux de brousse l'année dernière. Cet appel est du général-major Maurice Ngendabanga, président de l'équipe technique du programme Ewe Burundu Rambaye, en déplacement ce jeudi pour se joindre à la population de Marangara dans les activités de plantation des plants des bambous sur les rives de la rivière Kanyaru. On l'écoute dans cette traduction de Moïse Misako. Ici, j'attends. Nagira mire mwebwe mbwira n'abandi. Mugerageze kwirinda imiriro ya nyakanga. Kandi cyo nagenda bamenyesha. Mu mwaka uheze. C'est déjà le début de la saison sèche. J'appelle à vous et à tous les Burundais de tout faire pour éviter les feux de brousse. J'aimerais aussi vous informer qu'au cours de l'année dernière, ces feux de brousse ont été signalés dans 3 communes, à savoir Ruyigi, Bururi et Marangara. Il n'en reste que 3 communes championnes dans les feux de brousse. Pourquoi vous ne voulez pas abandonner cette mauvaise habitude? Nous voulons qu'il n'y ait plus de feux de brousse cette année au niveau national. J'ajoute en passant que vous, les habitants de Marangara, vous avez été champions l'année dernière. Ruyigi a été deuxième et Bururi troisième. Je vous appelle à renoncer à cette mauvaise habitude. Ce ne sont pas des arbres qui sont uniquement victimes de ces feux de brousse. Tous les écosystèmes en sont victimes. Protégeons donc ces écosystèmes, car ils sont aussi utiles pour la vie humaine. De Marangara, rendons-nous à Bubanza, en province Gihanga précisément, où des faits d'origine criminelle ont éclaté dans la Rukokoso vendredi entre la 8e et 6e transversale, des feux qui faisaient voir les flammes même au cours de la nuit dernière. Selon les habitants proches, les témoins sur place précisent qu'environ 6 hectares se sont réduits en cendres. L'administrateur de la commune Gihanga explique que la superficie brûlée n'est pas encore connue puisqu'on n'a pas encore fait des mesures. Il ajoute que le feu a été maîtrisé hier soir et que les enquêtes sont déjà en cours pour connaître les auteurs. Léopold Ndaïsaba dit également que les auteurs seraient les gens qui font des activités diverses, ceux qui ont été attrapés dernièrement en train de faire le charbon, ayant été puni selon l'administrateur. Les Burundais utilisent le bois comme source d'énergie à plus de 90% et cela présente des conséquences sur l'environnement, constate l'ingénieur en chaîne de froid et énergie et trouve que la population devrait être sensibilisée à recourir à l'usage des énergies alternatives comme le gaz qui présente peu de méfaits. Cet ingénieur propose la production du gaz de type biogaz. Je vous propose de le suivre. Le bois est consommé à plus de 90%. Alors, la consommation exagérée du bois est dangereuse parce que ça crée ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Donc, la population a vraiment intérêt à consommer le gaz pour protéger la forêt. Et il y a deux sortes de gaz que nous pouvons utiliser ici au Burundi. Il y a le gaz importé par les sociétés comme Betagaz et la société Interpétrole. Et il y a aussi du gaz que nous pouvons produire ici chez nous. Et d'ailleurs, on le produit, on l'utilise dans certaines régions, dans certains services. Donc, l'utilisation de ces gaz nécessite tout simplement une information, une sensibilisation. Il faut informer le public comment utiliser le gaz. C'est-à-dire que le gaz est utilisé dans une cuisine aérée, une installation à partir de la bouteille jusqu'à la cuisinière, une installation bien faite pour éviter des fuites de gaz. Donc, nous avons intérêt à sensibiliser les gens en leur montrant que les problèmes qu'ils ont, le problème relatif avec le climat et le manque de bois, tout ça, peut être résolu par l'utilisation du gaz. Les déchets qu'on envoie à Buterere, les déchets domestiques, les déchets de restauration, tout ça, on peut les transformer en gaz de cuisine. Et comme ça, c'est un recyclage qui est utile pour production de l'énergie et utile pour le pays. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, je le rappelle, l'essentiel de l'actualité. Le chef de l'État burundais sollicite l'appui des Nations Unies dans le développement du pays et dans la réconciliation nationale. Évariste Ndayishimiye a tiré cette sonnette d'alarme hier lors de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Le gouverneur de la province Gitega met en garde ceux qui exploitent les mineurs. C'est au moment où ses enfants sont employés dans la fabrication des briques et dans le commerce. Le gouverneur Venant Mandela Mona l'a dit lors de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Et en ce début de la saison sèche, les responsables du programme Ewuburundu Rambaye, qui est en train de faire le reboisement, appelle les Burundais à la cessation des feux de brousse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakizemana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous écoutez. La centrale hydroélectrique de Ruzibazi, désormais fonctionnelle, rapporte Burundi Echo. À partir du 1er juillet 2022, les 15 MW de la centrale hydroélectrique de Ruzibazi seront injectés dans le réseau électrique burundais. Le directeur général de la régie des eaux a précisé que même les coupures qui se manifestent pendant la nuit sont liées aux travaux en cours relatifs à la connexion au réseau. La capacité de cette centrale hydroélectrique est susceptible d'augmenter d'environ un tiers l'alimentation électrique du Burundi. Cet hebdomadaire socio-économique ajoute que la régie des eaux se prépare également à accueillir 62 MW en provenance des centrales hydroélectriques de Kabusese, Rusumo et Ruzibazi. C'est également dans sa parution du 1er juillet que Burundi Echo s'interroge si la procréation médicalement assistée est pour bientôt. En effet, écrit ce journal, le projet de loi portant réglementation de la procréation médicalement assistée était l'un des points à l'ordre du jour du Conseil des ministres du mercredi 29 juin 2022. Angéline Ndayishimiye, première dame de la République du Burundi et ambassadrice du programme Merck plus qu'une mère de la Fondation Merck, a déjà annoncé la préparation à lancer le premier centre de fertilité in vitro au Burundi dans les prochains mois. Un centre qui est initié par la Fondation Bonne Action Mugiraneza à Kibimba. C'était mercredi, le 18 mai 2022, lors d'un sommet virtuel de l'initiative des premières dames de la Fondation Merck, précise l'hebdomadaire Burundi Echo. L'organisation des curriculas face à l'employabilité des lauréats du système éducatif burundais titre « La voix de l'enseignant ». Ce confrère fait remarquer que plusieurs rapports reviennent sur la régression de la qualité de l'éducation et parmi les déterminants de la qualité, explique ce journal, le curriculum de formation joue un rôle central. Le profil de compétences, les stratégies d'enseignement et de la formation continue des enseignants, les moyens mis en œuvre pour parvenir à cette fin. Selon les professeurs Joseph Ndayisaba et André Nduimana, cités par cet hebdomadaire de l'éducation, la qualité de l'éducation n'incombe pas uniquement aux enseignants ni aux responsables éducatifs, mais à la communauté tout entière. Ils indiquent que le curriculum de formation est décidé par la communauté tout entière. Le système éducatif n'est chargé que de sa mise en œuvre. Le curriculum de formation doit répondre aux besoins de la société. Ces derniers doivent être bien connus pour déterminer le profil de compétences des lauréats, écrit la voix de l'enseignant. Pour ces deux experts pédagogues, souligne toujours ce journal, l'élève a réussi sa scolarité quand il a passé avec succès les évaluations, mais aussi quand ce que l'élève a appris lui sert dans sa vie personnelle et sociale. A contrario, l'échec dans le système éducatif, ce n'est pas seulement beaucoup d'élèves qui ont de mauvais résultats, mais c'est aussi beaucoup d'élèves qui ont eu de bons résultats, mais qui ne savent rien faire, peut-on lire dans La Voix de l'enseignant. Revue de la presse. Les travaux de l'ossature de l'infrastructure hôtelière militaire en cours dans la ville de Gitega sont à 60% d'exécution, rapporte l'agence burundaise de presse. Selon ce journal qui cite un tweet du ministère burundais en charge de la défense nationale, le coût de ces travaux est estimé à 6 milliards de francs burundais et cet immeuble pourra abriter 60 personnes. En plus de ce projet d'infrastructure hôtelière, ajoute la BP, 150 porcelets ont été déjà offerts à 3 coopératives, 212 autres sont en train d'être élevés en commune Nyanzalak dans la province Makamba. La Force de défense nationale du Burundi a déjà démarré un projet d'élevage de vaches à Mutukura en province Cankuzo, note toujours l'agence burundaise de presse. De l'insubordination autour de la fête de l'indépendance au 1er juillet, constate Net Presse. En effet, ce journal fait remarquer qu'au moment où l'on était en pleine cérémonie de prière organisée à cet effet, les militaires parachutistes ont sauté de l'hélicoptère. La majorité des invités, la population qui était sur place, ont été agacés par ce saut inattendu, Les cérémonies de prière ont été abandonnées pour assister au saut des parachutistes. L'hymne national, qui était prévu après les cérémonies de prière, a été perturbé, écrit toujours au Net Press. Des observateurs ont dénoncé l'insubordination autour de cet événement d'envergure nationale, d'autant plus que même l'année dernière, ce manquement avait été observé et rappelle ce quotidien en ligne. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.